Vous écoutez? La croche-oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste et à ckrl.qc.ca pour ceux et celles qui sont avec moi sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver autour de nouveautés sonores qui prennent les chemins empruntés par l'art audio, les musiques nouvelles ou bien les musiques dites inclassables. Je vous propose ce soir trois projets de création qui dialoguent entre eux à partir d'une certaine idée de la nostalgie ou bien de la mélancolie. En tout cas, quelque chose qui serait dans un coin reculé de la pensée, bon, aux oubliettes depuis un temps, mais qu'on imagine surgir à l'écoute de ces environnements sonores suscitant l'attente à la venue de quelque chose qui n'est plus. On va donc se retrouver avec William Basinski, un créateur américain de boucles sonores, créateur réputé, emblématique. On va aussi partager ensemble le travail du compositeur et expérimentateur sonore Pierre-Yves Martel. On va aussi écouter ce soir l'artiste sonore d'origine coréenne, Jihyun Kim, avec laquelle on débute la soirée en écoute de son dernier album intitulé Italian Wire Suite. C'est un album, franchement magnifique, inventé à partir de sonorités issues des fils qui nous entourent. Évidemment, les fils électriques, les fils du téléphone, les filins métalliques, cordages et fils à pêche qui portent, vous le savez, chacun à leur manière, une signature sonore issue des passages du vent ou bien du passage des électrons. Jihyun Kim raconte que son projet de création résulte d'un séjour de résidence en Italie. C'était, dit-elle, une période où j'explorais l'idée de faire de la musique uniquement à partir d'enregistrements sur le terrain avec des appareils électroniques de base, tout ça dans le but d'approfondir ma pratique sonore via l'écoute et le son ambiant. Je referme les guillemets. Ce qui a rendu ce travail très singulier, c'est que Jihyun Kim s'est intéressé en cours de route à la résonance naturelle des fils, des cordes et des câbles de toute nature qui peuplent nos environnements. Tout ça en lien avec sa pratique du piano, dit-elle, cet instrument à cordes qui m'a connecté à ce motif des fils et des techniques expérimentales comme frotter les cordes avec différents objets pour créer de la friction, de la résonance ou encore tout simplement des interférences. Cela dit, ce bel album intitulé Italian Wire Suite ne se résume pas à des fils. Vous allez voir, on y retrouve le son du vent, de la pluie, le chant des oiseaux et des ruisseaux et mille pulsations de la vie italienne. Et ça, je cite Jihyun Kim. Alors, je rappelle que Jihyun Kim est une artiste sonore et musicienne qui vit et travaille à Séoul, en Corée du Sud. En plus de son travail sonore, elle compose des musiques pour le cinéma et la télé. Alors, on écoute ensemble les volets associés à une partie de sa résidence de création menée dans les villes de Topolo et de Trentino en Italie. Alors, on écoute ça. Thank you. Écoutez l'accroche-oreille sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre des extraits des volets Topolo et Trentino. C'est le nom de deux villes qu'arpentait l'artiste Jeon Kim. Alors, c'est tiré de l'album intitulé Italian Warrior Suite. Et c'est un album inspiré des fils électriques, des fils de toute nature qui environnent les villes et qui émettent des sonorités insoupçonnées. Alors, j'en profite pour remercier Mike Harding du label Touch Records de nous avoir transmis toute la documentation concernant Jeon Kim. Alors, salutations à Mike Harding. On poursuit dans cette veine des nostalgies qui surgissent, qui sont issues ou bien qui émergent de la simple écoute avec une proposition du musicien et artiste sonore québécois Pierre-Yves Martel, un travail intitulé « Faces of the Machine ». Pierre-Yves Martel est compositeur et improvisateur qui se concentre, dit-on, sur la création d'espaces sonores et la narration d'histoire à travers le timbre, la couleur et l'atmosphère. Et le travail de ce soir est un bel exemple de cette préoccupation. Dans chaque projet, dit-il, je repousse les limites traditionnelles de la musique en intégrant une grande variété de sons. La relation entre le son et l'imagerie visuelle a toujours été un élément essentiel de mon travail, un aspect que je développe constamment au fil des ans. Je referme les guillemets. Ce qu'il nous propose ce soir, ça s'intitule « Faces of the Machine ». Ça a été composé, dit-il, pour harmonium solo. Vous allez reconnaître cette sonorité pittoresque. Il a fait ça début 2024 dans le cadre de son projet au long cours nommé Ephemera. C'est un projet dans lequel il a créé une nouvelle pièce de 60 minutes chaque semaine pendant 10 semaines, j'imagine consécutives ou en tout cas presque. Pierre-Yves raconte que la pièce a été composée et interprétée d'un seul jet. Je suis entré en studio, me suis assis à l'harmonium et n'en suis ressorti qu'après l'enregistrement de l'heure entière. Le résultat, vous verrez, est à la fois méditatif et implacable, dit-il, un paysage de drones, d'harmonie et de textures en constante évolution, révélant au fil du temps des formes inattendues. Ben, c'est l'harmonium dans toute sa splendeur. Je crois qu'il dit vrai et que c'est plutôt réussi, vous allez voir. Alors, on écoute un extrait de cette création d'une durée totale de 60 minutes. On va en faire une vingtaine ensemble. Ça s'intitule « Face of the Machine », création de Pierre-Yves Martel. Eh bien voilà ce qui complète la première longue demi en compagnie de Pierre-Yves Martel, multi-instrumentiste, compositeur, improvisateur et artiste sonore. Il est très actif et il collabore, a collaboré à de nombreux projets collectifs, dont l'ensemble Constantinople et Nascent Red. Alors restez des nôtres, on poursuit ça sur des sonorités de l'artiste sonore américain William Basinski. Tout ça après une très bref battement promo. Alors à tout de suite. Des Barundi, des Dakota, des Numes, des Ashanti, des Akoi, des Dan, des Bongo, des... Vous écoutez La Croche-Oreille sur CKRL, le 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, le 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone. On se retrouve ce soir autour de trois projets de création inspirés ou qui inspirent, disons, des élans qu'on associe à la nostalgie ou bien à la mélancolie parce que le temps passé est maintenant disparu et qu'on l'espère tous qu'il revienne par magie. Et pour compléter l'émission à la suite de Jihyun Kim et de Pierre-Yves Martel, je vous propose cette fois le beau travail de William Basinski. C'est un musicien, un artiste sonore américain fort réputé pour ses univers sonores élaborés à partir de boucles sonores et musicales. Pour la petite histoire, William Basinski est devenu, célèbre, on va dire, dans l'univers de l'expérimentation sonore quand il a réalisé un projet intitulé « The Disintegration Loops », une série d'enregistrements en boucle qui se détériore au fil du temps d'écoute et enregistrement en boucle qu'il va combiner aux dramatiques images du 11 septembre 2001 à New York, un projet qu'il va dédier aux victimes des attentats et qui va marquer d'une pierre blanche et sa carrière et les univers qui ont été construits par la suite à partir de boucles. Je vous fais entendre ce soir un album intitulé « 23 septembre ». C'est un projet que je qualifierais de prémonitoire parce qu'il s'agit d'un enregistrement de septembre 1982, redécouvert par Basinski et qui donne le ton aux travaux qu'il va mener par la suite. Alors, « 23 septembre », c'est un recyclage franchement très réussi, construit à partir d'un morceau pour piano composé par Basinski au lycée au milieu des années 70. Et comme il l'explique, l'enregistrement a été réalisé avec un petit magnétophone à cassette posé sur le piano, tandis que j'improvisais, dit-il, un morceau sur lequel je travaillais depuis l'école. Ce n'était pas très réussi, mais en utilisant la technique du cut-up de John Giorno, de William Burroughs ou encore de Brian Gysin, j'ai soudain réalisé qu'il se passait quelque chose d'inédit dans la boucle en utilisant des techniques de délai et de répétition sur bande, technique dite du Flippertronics, inventée par le guitariste Robert Fripp. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ces techniques et d'enregistrement et de traitement du son. Alors, à l'écoute de cette œuvre de jeunesse, bon, September 23rd, on découvre ou encore redécouvre l'univers à la fois mystérieux et fascinant de William Basinski. Alors, on écoute ça, 23 septembre. Thank you. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Pierre-Yves Martel, Jeon Kim et William Basinski. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que l'on retrouve sur Bandcamp, notamment, je réitère mes remerciements à Mike Harding du label anglais Touch Records, à Anne Lopez qui assiste William Basinski dans ses relations de presse et Pierre-Yves Martel qui m'a transmis du beau matériel. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des ambiances ineffables de William Basinski. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.